Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver vraiment si nombreux aujourd'hui pour ces 10e rencontres philosophiques d'Uriage, qui ont pour thème cette année l'art. L'art peut-il refaire le monde ? Alors je remercie vraiment chaleureusement tous les intervenants de leur présence et tous ceux qui, avec moi, vont animer et veiller à l'organisation de ces deux journées. On va s'interroger évidemment et essayer de penser avec les arts. C'est pour ça qu'on a essayé de faire vraiment une large place cette année aux arts. Jeudi soir, peut-être certains d'entre vous, en tout cas le public, avaient été conviés à un spectacle à l'Hexagone, scène nationale Arts Sciences à Meylan, qui mêlait danse et poésie. Le danseur et chorégraphe Christian Hubble est parmi nous aujourd'hui sur cet abécédaire. Je l'en remercie vraiment de sa présence. Nous avons également une exposition de l'artiste plasticienne Milonze au Belvédère, qui est en lien avec le thème de ces rencontres, que je vous invite à venir voir. Il y aura un atelier cet après-midi consacré à l'exposition, mais vous pouvez aussi aller voir l'exposition à toute heure jusqu'au 10 novembre. Alors l'art, bien sûr, questionne et interpelle les consciences, et parce qu'il porte évidemment un regard sur le monde et les événements, il nous les fait voir peut-être sous un autre jour. L'artiste nous propose une vision du monde, souvent singulière, qui ne nous laisse pas en tout cas indifférents. Et peut-être que les artistes nous montrent ce qui dans le monde ne va pas bien et ils nous parlent d'un monde à refaire, à défaut peut-être de le transformer complètement. Ils changent en tout cas notre regard sur le monde. Alors pendant tout le week-end, vous pourrez assister à des conférences, à des tables rondes. Je vous invite à prendre les petits programmes pour ceux qui ne l'auraient pas à l'entrée. Bien sûr, il y aura des ateliers philosophiques cet après-midi. Chaque atelier sera consacré à un art. Donc il y aura un atelier sur la danse, sur la musique, sur le théâtre, sur la littérature, sur aussi l'art comme thérapie. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire aussi pour ces ateliers l'après-midi. Et puis bien sûr, sans oublier la remise du prix du livre d'Uriage qui aura lieu à 15h30 cet après-midi. Voilà, pour agrémenter le tout, on vous proposera un buffet campagnard à 12h. Et donc vous connaissez pour beaucoup d'entre vous le principe. Nous avons un bel espace librairie avec nos partenaires, un bouquiniste Paul Alain, la librairie Le Square qui est notre partenaire sur ces rencontres, la librairie Les Modernes, qui se consacre à la littérature pour enfants. Et puis les presses universitaires de Grenoble, qui ont aussi un petit stand. Voilà, donc n'hésitez pas à les rencontrer. Tous les ouvrages de nos intervenants seront présents à l'espace de librairie. Vous pouvez aussi les rencontrer si vous voulez vous faire dédicacer un ouvrage dans les pauses ou à différents moments. Alors, pour ce matin, on va se retrouver pour un abécédaire. Donc, ça fait quelques années maintenant qu'on pratique cet abécédaire. On se retrouve avec plaisir sur cet exercice. Je vous en rappelle brièvement le principe. Chaque intervenant a choisi une lettre pour parler de l'art ou d'un domaine artistique en particulier. Et les différentes lettres sont autant de portes d'entrée dans le thème. On s'était dit que plutôt de faire une table ronde un petit peu explicative sur qu'est-ce que l'art, c'était plus ludique et plus inventif finalement de procéder ainsi. Et chaque intervenant dispose de 8 minutes pour traiter sa lettre et un sablier marquera le temps écoulé et en fait foi. Et je n'hésiterai pas à rappeler un petit peu à l'ordre les intervenants s'ils dépassent leur temps avec bien sûr bienveillance. Donc je remercie vraiment tous les intervenants qui ont accepté de se prêter à ce jeu de l'abécédaire, puisque c'est pas facile de parler en 8 minutes. Il faut être concis et finalement, on a souvent beaucoup de choses à dire. Alors, participe à cet abécédaire, donc Justine Balibar. Elle est philosophe, professeure agrégée et docteur en philosophie. Elle enseigne au lycée à Gap et ses travaux en esthétique portent sur la littérature et le paysage. Elle a publié plusieurs articles sur la question, notamment dans la Nouvelle Revue d'esthétique et dans les cahiers philosophiques. À côté de Justine, Jean-Pierre Carlet, qui est philosophe, bien connu de notre public, ancien professeur aussi de philosophie au lycée et formateur pour les enseignants. Il est très engagé dans les associations. Il est membre permanent du bureau de l'APEP, qui est l'organisation des professeurs de philosophie du secondaire. Il a été président de cette association et il est également membre du comité d'organisation des rencontres philosophiques d'Uriage et président du jury et du prix du livre d'Uriage. À côté de moi, sur ma gauche, Guillaume Leblanc. Il est philosophe et écrivain. Il est déjà venu dans ces rencontres et c'est un grand plaisir de le retrouver. Il est professeur des universités à Paris 7, Denis Diderot, en philosophie politique et sociale. Ces recherches portent sur la question des normes sociales, de la précarité et de l'exclusion sous de multiples figures, de la figure de l'étranger, du migrant ou encore de l'exclu. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la question, dont un livre qui a été coécrit avec Fabienne Brugère, qu'on avait d'ailleurs mis au prix du livre il y a l'année dernière, La fin de l'hospitalité. Donc vous trouverez aussi sur chez nos libraires. Et puis tout récemment, Vaincre nos peurs, tendre la main, mobilisons-nous pour les exclus. Ça vient de paraître en 2019. Voilà, donc je vous invite à le retrouver aussi chez nos libraires. J'allais dire à l'extrême droite, mais c'était pas. C'est un mauvais jeu de mots. À ma droite, Raphaël Le Pen, mais qui n'a rien à voir avec. J'essaie de me rattraper, ça marche. Alors, elle est professeure agrégée de lettres en classe préparatoire au lycée Champollion. Elle a été notamment chargée de cours à Sciences Po Paris. Elle a collaboré aussi au Monde 2. Elle a rédigé toute une série d'articles sur la peinture, le cinéma. Elle a produit des chroniques pour France Culture et France Inter. Et donc, elle nous fait l'amitié de participer à cet abécédaire. À ma droite aussi, Claire Noble, qui est philosophe, professeur agrégé docteur en esthétique à l'Université de Paris 8. Ses recherches portent sur la question de la provocation en art, et elle est l'auteur notamment d'un petit ouvrage sur qui s'intitule « Dirty Corner d'Anish Kapoor, chronique d'une œuvre entre violence artistique et violence politique » aux éditions de la Lettre Volée en 2019. Donc là aussi, vous trouverez le petit ouvrage. Et enfin, Christian Hubble, c'est un artiste, danseur et chorégraphe. Il est passionné d'art contemporain, qu'il a étudié notamment à l'Université de Lyon 2, où il a passé une licence en sciences humaines, art du spectacle. Il est directeur artistique de la compagnie Cube, qui produit de nombreux spectacles et qui a signé de nombreuses chorégraphies contemporaines, d'art contemporain, dont celle proposée justement jeudi soir et hier à l'Hexagone Scène Nationale Art et Sciences à Mélan, qui était intitulée « Langue de feu, lame de fond ». Donc un beau spectacle qui va tourner, je pense, toute en France, dans plusieurs lieux culturels. Alors, on va commencer cet abécédaire en tirant au sort. Donc, j'ai ma petite boîte magique. Donc, alors, la première lettre sera P comme possible. Et je laisse la parole à Jean-Pierre Carlet. Merci, Anne. Bonjour à toutes et à tous. J'ai choisi effectivement le mot possibilité. C'est en fait la lecture d'un ouvrage de Herbert Marcuse qui m'a conduit à penser que c'était une entrée pour penser l'art et c'était l'ambivalence de la possibilité que je voulais interroger. Commençons peut-être par considérer des expressions et des représentations communément partagées. J'en cite quelques-unes et je pense que vous les reconnaîtrez. « C'est pas pour de vrai », dit-on pour rassurer l'enfant qui va au cinéma. « C'est du théâtre », dit-on pour dénoncer l'exagération d'une conduite. « Des mots, des mots, des mots », assure-t-on pour signifier l'impuissance de ce qui est seulement littérature. Même la formule pourtant juste et belle de Maurice Denis, « Des lignes et des couleurs en un certain ordre assemblées », semble limiter la portée des arts plastiques. Quant à la musique, elle est supposée délasser l'esprit. Enfin, le divertissement du corps laborieux est ce qui paraît rendre compte de la danse. En toutes ces occurrences, l'art est placé du côté du reflet, du double, et plus généralement de l'imitation, manquant du sérieux qui caractérise la réalité effective de l'existence humaine. C'est la modalité du possible que l'on emploie alors pour concevoir le travail et l'œuvre artistique, et conformément à la table des catégories élaborée par Kant, chacun sait que la possibilité est inférieure en être à l'existence ou à la nécessité. Voilà une pensée dominante qui détermine la secondarité de l'art, comme si l'art était le repos du dimanche destiné à soulager l'efficience des travaux et des jours. Le seul type d'art susceptible d'être directement actif serait l'art engagé, celui qui prend parti sur les débats du moment, qu'il s'agisse de la justice sociale ou de la survie planétaire des espèces. Selon cette logique, la valeur première de l'art serait à chercher dans le message dont il est porteur. Mais, comme Hegel déjà le faisait remarquer, le travail de la forme serait alors relégué au rang d'un ornement, seulement à guicheur, toute forme convenant pourvu qu'elle séduise. Et poussant à son terme cette dévalorisation du travail artistique, George Orwell imagine une machine à fabriquer des romans, 4 ou 5 éléments suffisant pour faire passer au peuple le message, au peuple asservi, le message suivant: rêvez autant qu'il vous plaira, pourvu que vous ne songiez pas à vous révolter. Ainsi, la pauvreté de la forme convient-elle logiquement à dégrader le fond au plus bas des stéréotypes. Ainsi, la valorisation du message aux dépens du travail de la forme conduit-elle à un engagement seulement publicitaire, c'est-à-dire tout sauf subversif. Je cite « révolutionnaire depuis 1968 ». C'est ainsi qu'une grande entreprise que vous connaissez bien, tirant profit du commerce culturel, met en avant ce qu'elle met en avant pour faire acheter et non pas pour donner à penser. Que pense de tout cela un philosophe engagé, résolument critique, ainsi que les événements des années 60, puis le début 70, ont pu consacrer Herbert Marcuse? Eh bien, sans être aucunement contesté par les révolutionnaires d'alors, Marcuse renverse complètement ce schéma dominant dans la conception des valeurs de l'art. Plus l'engagement idéologique, religieux, politique ou simplement moral, plus l'engagement idéologique l'emporte sur la forme, moindre est la valeur émancipatrice de l'œuvre. Le message alourdit en ce qu'il n'offre au spectateur que des convictions que celui-ci connaissait déjà, indépendamment de tout travail artistique. Au mieux, il confirme ce que chacun croyait savoir, tandis que ce qui qualifie une œuvre, selon les mots de Valéry, consiste à nous faire voir ce que nous n'avions pas, à nous faire voir que nous n'avions pas vu ce que nous voyons. Pour Marcuse, l'art nous affecte par le bouleversement des formes familières qu'il introduit dans l'existence de chacun. Mots, sons, lignes et couleurs, postures et mouvements, images, tout cela se trouve alors sans dessus dessous, non pour le plaisir de choquer, mais plus essentiellement pour ouvrir l'existence aux possibilités qu'elle contient. Car la réalité que nous éprouvons et subissons au quotidien, cette réalité-là, n'est pas tout le réel. Elle n'est pas essentiellement le réel qui fait que le monde change. Contre l'esthétique marxiste orthodoxe, qui assigne aux artistes un rôle au mieux d'accompagnateur, d'ailleurs symétrique et aussi peu efficient que celui d'amuseur voulu par le capitalisme dominant, le livre de Marcuse, La dimension esthétique, soutient ceci. Je le cite, « La vérité de l'art réside dans son pouvoir de rompre le monopole de la réalité établie, c'est-à-dire de ceux qui l'ont établie, pour définir ce qui est réel. » Cependant, l'éloignement de l'art avec la réalité que chacun vit semble maintenu, et l'on pourrait peut-être entendre ici, dans la position de Marcuse, le retour à l'idéalisme de Hegel, selon lequel l'idée est le tout du réel. Mais l'on peut aussi entendre, et c'est ce que je voudrais soutenir, on peut aussi entendre en cette fonction cognitive et critique que Marcuse attribue au travail de la forme, les retrouvailles avec le monde de l'enfance, dont toute œuvre est porteuse. Telle est la puissance de subjectivation permise par l'univers symbolique. S'il y a nostalgie dans le plaisir esthétique, ce n'est pas, comme l'affirmait Marx, celle d'un temps disparu, mais c'est, selon Marcuse, la redécouverte du potentiel de notre propre passé que la domination n'a pas encore aboli. J'en prends à témoin l'un de mes petits-enfants, qui a 4 ans, et qui refuse que soit dessiné par sa maman sur une même feuille de papier un bison et en même temps une lionne des cavernes, au motif que la seconde dévorerait le premier. Il semble en effet que l'art ait le pouvoir de ranimer en nous le sujet, j'emploie une majuscule, le sujet, empêché car réduit par le système de domination à sa fonction unidimensionnelle de producteur-consommateur. L'œuvre restitue notre capacité d'ordonner le monde de façon autonome et pour cela plaisante. C'est l'éros porté par le beau de la forme, l'un des sens possibles de la célèbre formule de Stendhal, ramenant la beauté à une promesse de bonheur. Certes, la réalité immédiate ne sera pas directement changée par cette représentation artistique, puisque par principe, l'art n'est pas une force matérielle agissante. Même la boîte de jus de tomate d'Andy Warhol ne peut être consommée. Pourtant, il est vraisemblable que l'introduction de la dimension du possible dans l'existence donne envie de se mettre en marche pour refuser cette réalité particulière que nous appelons spontanément le monde. Si les possibles étaient arbitrairement inventés, ils n'auraient que la force de la rêverie et l'art ne serait que jeu ou vain divertissement du côté de l'illusion. Mais ce qui classe une œuvre comme grande est plutôt que les possibles évoqués sont ceux de la réalité présente. Ainsi, par exemple, mimons le travail poétique. Sartre s'exerce-t-il à montrer le potentiel inaperçu des mots de tous les jours ? Il s'agit du mot Florence. Florence est ville et fleur et femme. Elle est ville-fleur et ville-femme et fille-fleur tout à la fois. Et l'étrange objet qui paraît ainsi possède la liquidité du fleuve, la douce ardeur fauve de l'or et, pour finir, s'abandonne avec décence et prolonge par l'affaiblissement continu de l'œil muet son épanouissement plein de réserves. » Fin de la citation de Sartre. Ne devons-nous pas alors, avec Aragon, percevoir les possibles de l'histoire que recèle la nature, extérieure ou en nos corps? Et je vous renvoie à ce que vous connaissez bien. Un jour pourtant, un jour viendra couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front, un jour d'épaules nues où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Merci à toi Jean-Pierre, même si tu as légèrement dépassé le temps. Merci d'avoir ouvert cet abécédaire finalement par l'évocation de la beauté de la forme, et si l'art doit nous bouleverser et changer notre regard, c'est d'abord par l'invention d'un style et d'une forme, effectivement, plus que peut-être l'idée d'un message à transmettre, c'est d'abord la forme qui nous émeut. Alors, on va poursuivre cet abécédaire. Alors, ce sera D comme Dirty Corner d'Anish Kapoor. Et je laisse la parole à Claire Noble. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, je vais vous parler d'une œuvre d'art qui a défrayé la chronique en 2015. Je vais vous la décrire, je vais vous raconter son histoire, puisqu'elle a une histoire. Et si vous ne l'identifiez pas tout de suite, vous allez l'identifier peu à peu. Donc, de juin à novembre 2015, dans les jardins du château de Versailles, Dirty Corner, c'est une œuvre d'art, donc une sculpture qu'Anish Kapoor a installée. Alors, Anish Kapoor est invité dans le cadre de la programmation d'art contemporain qui se déroule tous les ans, qui s'est déroulée d'ailleurs tous les ans depuis 2008 à Versailles, avec des gens comme Jeff Koons, comme Murakami, comme Vasconcelos, comme Xavier Vélan. Et Jeff Koons, alors, toujours, ça a créé un certain remous, mais avec Dirty Corner, cela a été un petit peu plus fort, il faut bien le dire. Alors, l'œuvre, je vous la décris, faute d'avoir ramené de visuel, mais je vous la décris. C'est une immense trompe en acier rouillé, l'acier Corten, un alliage qui donne une apparence rouillée. Immense trompe de 60 mètres de long, de 10 de haut, ouverte donc sur une bouche noire béante, que Anish Kapoor a installée sur le tapis vert, le sacro-saint tapis vert de Le Nôtre, déchiré, et explosé, il faut bien dire, pour l'occasion, aux grandes dames de ses détracteurs qui n'hésitent pas à qualifier la sculpture de déchet sculptural. Alors, cette trompe, Elle est effectivement posée sur un gazon qui est ouvert en saillie, qui est creusé en cratère. Anish Kapoor a fait venir de la terre de Belgique pour faire des immenses tas des monceaux de terre de part et d'autre de ces 60 mètres de trompe. Et il a également fait venir des rocs de pierre qui sont, alors pas n'importe quelle pierre, c'est une pierre qui fait partie des carrières qui sert de restauration pour le château. Et lui, il montre cette pierre brute, puisque son but est de mettre, dit-il, le chaos à Versailles. Versailles n'a pas besoin de décoration et moi je n'ai pas besoin de lieu pour exposer mon œuvre. Ce qui l'intéresse, c'est l'interaction avec le lieu et l'interaction avec le public. Et interaction, il y aura. Donc on y imagine, on se rappelle peut-être, une immense trompe ouverte. Alors trompe, je dis trompe, mais ça peut être un cône, ça peut être dans un univers enfantin, un chapeau de sorcière, ça peut être un coquillage, ça peut être un tas de choses. Une terre creusée, bouleversée, avec des taches de couleur rouge sang disposées par les soins de Kapoor. Alors, avant même d'être ouverte au public, l'exposition fait parler d'elle, il n'y a pas que Dirty Corner, mais Dirty Corner fait parler de lui, puisque l'œuvre est surnommée, et là ça va peut-être vous revenir en mémoire, Vagin de la Reine. C'est le Vagin de la Reine. Pourquoi ? Alors, Dirty Corner a donné un entretien au Journal du Dimanche, dans lequel il a interprété cette œuvre en termes de vagin. C'est le Vagin de la Reine qui prend le pouvoir, effectivement. Son but est de montrer le rugueux, l'inconfortable, le sexuel que l'ordre rationnel de Versailles, symbole de royauté en son temps et de pouvoir, toujours, ne montre pas forcément, certes. Alors, premier, effectivement, scandale de l'œuvre. Deuxième événement, à peine une semaine après l'ouverture donc, de cette exposition, l'œuvre est maculée, donc si je me souviens bien, c'est dans la nuit du 16 au 17 juin, l'œuvre est maculée d'immenses coulées de peinture jaune et blanche sur la partie, sur la trompe, sur l'ouverture de la trompe, côté interne et externe. Immense, l'œuvre est vandalisée. Voilà, il s'agit d'un acte de vandalisme, très clairement. Donc Anish Kapoor, intelligent, réfléchit et se dit « qu'est-ce que je fais ?» Est-ce que je restaure cette œuvre en la remettant dans son état originaire ? Est-ce que je la fais nettoyer ? Ou alors, est-ce que je dépasse finalement cet acte de vandalisme par ce qu'il appelle un acte esthétique, créatif et public ? Il réfléchit, et déjà là, il n'est pas dupe, il parle très clairement, à l'encontre de cet acte de vandalisme, de sale politique, d'exclusion, de marginalisation, de racisme, d'islamophobie, dont cet acte est l'emblème. Et Anish Kapoor opte pour faire nettoyer son œuvre. Alors il a cette phrase assez intéressante, il dit « parfois les œuvres d'art cristallisent des malaises plus profonds de la société et mon Dirty Corner à Versailles a ce destin ». Effectivement, quand on parle avec les médiateurs qui étaient là, on vient voir, de toute façon, c'est pas Dirty Corner, on vient voir le Vagin de la Reine. C'est ça qu'on vient voir en juillet, août, à Versailles. Dans la nuit du 5 au 6 septembre, autre événement qui va peut-être vous revenir en mémoire puisque ça a fait la une des journaux, ici en France mais aussi en Grande-Bretagne, puisque Kapoor est un artiste britannique, l'œuvre est taguée autant qu'il est possible, autant que la surface de ces matériaux le permettent, donc la terre évidemment c'est plus délicat, mais la pierre et l'acier Corten rendent possible le tagage, donc est taguée vraiment de graffiti antisémites, royaliste et on l'oublie, mais d'insultes envers l'artiste hein, également. Ça faisait la une des journaux sur l'ouverture de la trompe. Il y a en lettres capitales blanches trahison, satanisme, voilà, honte, déshonneur. De l'autre côté, le second viol de la nation française par l'activisme juif déviant. Sur les pierres, on lit avec les initiales qui rappellent le sigle SS, nazi sacrifice sanglant. Voilà. Dans une nuit, alors, pour la petite histoire, particulièrement agitée, puisque c'est la nuit des grandes eaux de Versailles, il y avait un monde fou. Alors, évidemment, Versailles s'en défend en disant que c'est grand. Hein. L'œuvre était sous alarme aussi, oui, évidemment, après le premier acte de vandalisme. Et désormais, elle sera derrière des barrières de protection, avec des rondes de police, des chiens qui la gardent. Voilà ce qu'est devenu Dirty Corner. Dans l'urgence, le château de Versailles dépêche des cartels pour prévenir le public qui arrive le dimanche matin et qui voit cette œuvre. Après tout, est-ce que les tags font partie de l'œuvre ou pas? On n'en sait rien. Note que Dirty Corner a été victime d'un acte de vandalisme qu'il condamne. Anish Kapoor a une réaction fort de sa première expérience, une réaction nette, c'est désormais ces tags infamants font partie de mon œuvre et je défie les institutions de présenter cette œuvre telle qu'elle est devenue. C'est le défi de l'art. Voilà. Mais influencée par le château de Versailles, aussi une plainte qui arrive le mardi, promptement déposée à l'encontre du domaine pour incitation contre donc le domaine de Versailles et par ricochet contre Anish Kapoor pour incitation à la haine raciale. Anish Kapoor revisite sa position en disant qu'il va effectivement là entreprendre l'acte créatif, esthétique et public. Entre-temps, alors surprise encore, puisque ce que Anish Kapoor appellera un mémorial à notre honte, reçoit encore un autre graffiti, puisqu'il y a encore de la place sur 60 mètres de long, même si c'était très couvert, c'est « Respect art as you trust God », autrement dit, « Respect l'art comme tu fais confiance en Dieu », plus ironique peut-être un graffiti allié de Kapoor, que sais-je, mais graffiti quand même, de nouveau, sous une œuvre sous haute surveillance. Alors, la plainte en référé est promptement jugée, quelquefois la justice est rapide, 11 jours plus tard, condamnation du domaine de Versailles, et surtout ôtée de la vue du public ses propos infamants. D'accord. Alors Anish Kapoor, une journée avant ce rendu de justice, cette ordonnance de référé, avait de toute façon dit qu'il donnerait une réponse royale. Bon. Mais évidemment, on a quelque peu la tête à l'envers. Par un étrange tour de passe-passe juridique, c'est Kapoor et le domaine de Versailles qui boivent la tasse. Je peux terminer une phrase. Donc l'œuvre est drapée de noir, puis couverte pas toujours, mais pas toujours complètement. On voit encore le SS de feuilles d'or. Et alors l'art peut-il refaire le monde? L'art peut en tout cas, puisqu'avant de refaire le monde, il faut peut-être le défaire et voir ce qu'il y a sous le tapis vert, de rugueux, d'inconfortable. Et c'est ce que Dirty Corner nous montre. Merci Claire pour cette nous avoir rappelé ce geste que l'art peut provoquer effectivement et provoquer jusqu'où du coup des réactions. Je vous invite évidemment pour savoir toute l'aventure de la sculpture et une analyse plus en profondeur de vous référer au petit livre de Claire Noble sur Dirty Corner. Donc ce geste provocateur effectivement nous montre aussi que l'artiste a ce don aussi de provoquer des réactions et de mettre le doigt sur des choses sensibles qui du coup suscitent des réactions parfois extrêmement violentes et à certains égards incompréhensibles. Alors on va poursuivre notre petit chemin dans cet abécédaire avec une autre lettre. Alors, ce sera M comme monde. Et je vais laisser la parole à Guillaume Leblanc. Merci Anne. Je souhaiterais pour la lettre M prendre le monde à témoin, vous donc, et je voudrais défendre une hypothèse simple. L'art est un appel au monde, un appel venant du monde, un appel à tout le monde. Il est donc simultanément une écologie, appel au monde, une éthologie, un appel venant du monde, et une démocratie, un appel à tout le monde. Il est les trois en même temps, et c'est là sa valeur principale. Cela signifie qu'il n'est pas un territoire, une nation autonome, qu'il n'est pas une invention humaine, le monde fait art, et qu'il n'est pas non plus le seul système des œuvres d'art. C'est certes, là, je le reconnais volontiers, poser une sorte d'ontologie, mais du moins, cette ontologie ne consiste-t-elle pas à refermer les œuvres sur elles-mêmes pour en faire le domaine d'une stricte histoire de l'art? C'est en quelque sorte une ontologie sauvage que je défends, dans laquelle la coupure entre le monde et l'art n'existe pas. Gilles Deleuze et Félix Guattari, dans leur Mille Plateaux, sont allés dans cette direction que je voudrais emprunter aujourd'hui en affirmant sur le plan de l'écologie que l'art déterritorialise les territoires, qu'il est un devenir monde plutôt qu'un devenir nation. Et que même s'il existe des délires nationaux, voire nationalistes dans l'art, c'est toujours au nom d'un peuple plus vaste, manquant, et qui potentiellement pourrait être tout le monde. Ils ont également, sur le plan de l'éthologie, souligné comment l'oiseau fait art, comment il fait style. Les prolongeant, il est permis d'affirmer, à l'instar des oiseaux, que nous faisons toutes et tous style. Nous plions l'espace-temps à des usages microscopiques par lesquels nous inventons des figures à nous, dans l'espace-temps des autres, grâce à mille petites pratiques qui sont comme autant d'inventions de soi. L'art ne répond pas alors simplement à la qualité des œuvres d'art, mais tout simplement à la qualité de faire œuvre, ce qui implique un usage de soi le plus souvent inventé dans un détournement des normes, des grandes normes au profit des petites, des micro-normes. Mais si l'art a cette qualité d'appeler le monde et d'appeler tout le monde, et le monde est à la fois de ce point de vue le cosmos et le peuple, ambiguïté qu'il faut non seulement préserver mais même assumer, c'est dans la mesure où l'art nous prévient de l'immonde qui prend des formes inattendues, mais qui se rappelle à nous comme une certaine violence faite au monde, comme une négation de la qualité de monde. C'est parce que le monde risque toujours de manquer d'être effacé par un régime de violence que l'art prend alors son sens comme entreprise de restauration du monde, de tout le monde. Loin de moi l'idée de circonscrire l'ensemble des arts par ce biais, c'est plutôt une coupe dans les œuvres que je pratique, un peu à la façon d'un géologue, dans l'espoir de révéler plusieurs pierres précieuses, enfouies et revenues à une lumière d'où elles peuvent enfin apparaître. Parmi ces pierres, je souhaiterais en extirper deux, de statut très différent. La première se trouve dans l'une des ultimes consignations, dépôts, du poète-cinéaste Pier Paolo Pasolini, 9 mois environ avant la survenue de l'immonde et son assassinat terrible sur une plage d'Ostie en Italie, non loin de Rome. Le 1er février 1975, Pasolini écrivit au lecteur de la Corriere della Sera que le fascisme n'est pas mort, qu'il renaît de ses cendres, que certes le fascisme des années 30 a été vaincu, mais que de nouvelles formes de fascisme surviennent, sont en train de survenir, de détruire notre monde. Deux phénomènes en rendent compte, selon lui, dans les années 60. D'abord, un fascisme radicalement, totalement et imprévisiblement nouveau, ce sont ces termes, est en train de se coaguler du fait de la violence policière et du mépris de la Constitution. On n'en est pas loin. Ensuite, on a assisté, déplore Pasolini, à un dépérissement des formes de vie qui, au fond, faisait l'écologie du peuple italien, par un nivellement des manières d'exister, une destruction des mondes traditionnels, un arraisonnement de la puissance uniformisante des banlieues. Cette destruction du monde italien, du fait de l'essor du capitalisme, prend la forme dramatique d'une extinction, l'extinction des lucioles qui sont sous vos yeux. Je cite Pasolini. « Au début des années 60, à cause de la pollution atmosphérique, et surtout à la campagne, à cause de la pollution de l'eau, fleuves d'azur et canaux limpides, les lucioles ont commencé à disparaître. Cela a été un phénomène foudroyant et fulgurant. Après quelques années, il n'y avait plus de lucioles. Aujourd'hui, c'est un souvenir quelque peu poignant du passé. Un homme de naguère qui a un tel souvenir ne peut se retrouver jeune dans les nouveaux jeunes et ne peut donc plus avoir les beaux regrets d'autrefois. Ce quelque chose qui est intervenu il y a une dizaine d'années, nous l'appellerons donc la disparition des lucioles. De toute manière, en ce qui me concerne, si cela peut intéresser le lecteur, que ceci soit net, je donnerai toute la montée d'Issonne, encore que ce soit une multinationale, pour une luciole. » Fin de citation. Et pour cause, a-t-on envie de renchérir, la montée d'Issonne est l'une de ces multinationales qui est responsable pour Pasolini de cet abrasement des mondes. Didier Huberman a magnifiquement montré dans « Survivance des lucioles » que le recours à cette image poético-écologique vise à restituer une anthropocène de l'immonde et à rouvrir paradoxalement la possibilité d'un monde perdu, Le monde est toujours déjà perdu et l'art a pour fonction de le ressusciter. Restaurer le monde, c'est alors, dans le même sens, en prendre soin. L'art n'est nullement une médecine, mais une certaine qualité de l'art réside dans le soin à l'égard du monde. Mais ce soin à l'égard du monde, c'est également le soin de tout le monde, car tout le monde compose le monde, à commencer par celles et ceux qui l'ont quitté prématurément. Dans la fiction document que compose Mendelssohn, il les nomme les disparus. Et il semble bien que nous nous trouvions ici au plus près de la vocation éthique et politique de l'art. Restaurer le monde disparu des Lucioles, restaurer le monde disparu des Juifs. Une vie aura-t-elle été vécue si personne n'en est le témoin? Quelle archive les sans-voix ont-ils laissé? Dans quelle mémoire les sans-traces peuvent-ils loger? Parce que le jeune Daniel, futur écrivain donc, des disparus, suscite les pleurs de ses oncles et de ses tantes américains chaque fois qu'il pénètre dans le salon de l'appartement familial de Miami, un trouble s'installe en lui du fait de sa ressemblance avec un oncle juif tué en 1941 par les nazis à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine, et avec lui sa femme et leurs quatre filles. Les pleurs sont toujours l'aveu d'une perte inconsolable. Il manque des mondes pour faire une vie et les pleurs sont les rappels de ces mondes perdus. Est-il possible de partir à leur recherche? C'est toute l'entreprise des disparus. Ici, ce n'est plus la qualité du monde en tant que tel dont il faut prendre soin, encore que, mais bien la qualité de tout le monde, rappel de l'égale dignité des vies, de toutes les vies, que le maigre faisceau des mots, des phrases, des pages, des livres, des images, des films, ne peut et ne doit briser sous aucun prétexte pour les scinder, violence ultime, en vie digne d'être narrée et en vie irrémédiablement perdue. Car qui ne voit alors que la narration fait ressurgir une vie comme digne d'avoir été vécue jusque dans ses conditions les plus extrêmes? Qui ne voit ainsi que toute la gloire de l'art vient de sa capacité à créditer et à accréditer toutes les vies, à faire gloire des sans-gloire? C'est ce que nous rappelle Mendelssohn dans ses ultimes lignes sur lesquelles je conclus. Devant le plus spécifique des endroits qui soient, c'est l'endroit où, que Mendelssohn a fini par découvrir à la fin de son livre, l'endroit où est mort son oncle et aussi sa tante. Cet endroit où Schmiel et Friedka avaient vécu des choses à la fois physiques et psychiques, que je ne pourrais jamais commencer à entrevoir, précisément parce que cette expérience était spécifique pour eux et non pour moi. Devant cet endroit très spécifique, je savais que je me tenais là où ils étaient morts, là où la vie que je ne connaîtrais jamais s'était échappée des corps que je n'avais jamais vus. Et précisément parce que je ne les avais jamais connus ou vus, j'étais contraint de penser à quel point ils avaient été des personnes spécifiques, avec des morts spécifiques, et que ces vies et ces morts leur appartenaient à eux et pas à moi. Il y a tant qui restera à jamais impossible à connaître, mais nous savons qu'ils ont été un jour eux-mêmes spécifiques, les sujets de leur propre vie et de leur propre mort. Merci Guillaume pour ce très émouvant et très bel éloge au monde, et ça me touche d'autant plus que c'était une des idées qu'on avait justement en formulant ce titre un peu curieux, l'art peut-il refaire le monde? On était très attachés à l'idée de monde, l'idée qu'il y a à la fois une beauté du monde, une fragilité du monde, et dont il faut se soucier, dont il faut prendre soin. Et si l'art, j'ose pas dire que l'art a une mission, une fonction, mais l'art nous sert à tisser en quelque sorte des liens par la narration, mais aussi par les représentations qu'il nous donne à voir du monde, et sert à faire que nous ayons un monde commun à partager. Et ça, c'est quelque chose de précieux, et avec évidemment toutes les difficultés aujourd'hui, les problèmes, je pense à l'écologie, mais aussi à d'autres choses, on voit combien notre monde est fragile et combien il nous faut en prendre soin par l'art. Donc l'art peut peut-être nous guérir, ou en tout cas nous sauver de cette perte de monde qui nous ravage et dont la modernité finalement est l'écho. Donc c'est un thème qui est développé aussi dans l'exposition que je vous invite à aller voir de l'artiste plasticienne de 2011. Elle a fait notamment toute une série sur les abeilles qui meurent, qui disparaissent, et donc là aussi ça nous interroge sur cette fragilité du monde. On va poursuivre cet abécédaire. Alors, ça sera S comme signe, et je vais laisser la parole à Raphaël. Merci Anne, bonjour à tous. Alors, parler du cygne me fait penser à ce vers de Baudelaire, valse mélancolique et langoureux vertige. Mon langoureux vertige fait écho au caractère polymorphe du cygne. Va-t-on parler de sémiologie, discipline qui consacre l'empire du cygne, comme le disait Barthes, puisque la sémiologie s'attaque à identifier et décrypter les signes du monde? Va-t-on évoquer la dimension pragmatique du cygne? Après tout, comme le signale Peirce, la fumée qui sort de la cheminée est signe qu'il y a un feu. Modestement, nous allons nous consacrer à la dimension verbale du cygne et tenter de montrer comment, en s'emparant et en transformant le cygne, la littérature s'affranchit de la dimension fasciste de la langue pointée par Barthes et permet de créer. De créer quoi? Eh bien, des mondes qui refont le nôtre. Alors commençons. Qu'est-ce que le cygne? Saussure, dans son cours de linguistique générale, paru en 1916, définit le cygne de la manière suivante. Le cygne linguistique est la mise en relation du signifiant et du signifié. Le signifiant est une image verbale et le signifié est le concept, le référent. Le signifié n'est donc pas la réalité, mais la réalité intellectualisée, disciplinée par l'esprit, puisque concept. Le signifiant est l'image verbale et phonique que l'on associe à ce signifié. Le tout produit la langue. L'animal utilise des signaux, alors que l'homme utilise des signes. Ainsi, pour Saussure, le fait que la langue soit une production de signes est, bien entendu, le produit de notre raison. L'utilisation de signes relève d'une part de notre capacité à conceptualiser, le signifié, et d'autre part de notre capacité à nous représenter, à créer des images mentales qui informent le concept, le signifiant. Bon, tout cela, nous pouvons en convenir, est aride et bien loin de la rêverie créatrice que je suggérais dans ma brève introduction. Pourtant, réfléchissons. Cet outil, le signe, nous permet d'utiliser le langage pour discipliner, rationaliser le réel, identifier des objets, les conceptualiser, les nommer. Le signe est bien une forme de création, puisque utiliser des signes est un acte de distinction, de nomination, une création rationnelle. Cependant, et c'est là tout l'intérêt du signe, c'est là où la littérature vient se nicher, le signe a beau être rationnel, il n'y a pas de rapport de nécessité entre le signifiant et le signifié. Il n'y a pas de rapport de nécessité entre le mot, cette fameuse image verbale, et la chose, ce concept ou référent que j'ai identifié, défini et doté d'un nom. C'est ce que l'on entend lorsque l'on parle d'arbitraire du signe. Concrètement, cela signifie qu'il n'y a aucune raison que « cat » signifie la représentation de l'animal chat davantage que le mot « chat ». Prenons un exemple utilisé par Genette. Il n'est absolument pas logique que le jour, avec ses sonorités sourdes, désigne un ciel lumineux, tandis que la nuit, avec ses sonorités scintillantes, désigne un ciel sombre. Cet arbitraire du signe est intéressant pour nous qui cherchons le rapport entre signe, littérature et monde. Tout d'abord parce que l'arbitraire du signe est ce qui donne une épaisseur et mouvement à la langue. Comme l'adéquation mot-chose est conventionnelle, la langue évolue. Elle révèle les mœurs d'une époque, ses préjugés, ses engouements, ses innovations. Mais surtout, l'arbitraire du signe révèle un jeu entre le mot et la chose. Il nous faut prendre le mot « jeu » dans ses deux acceptions. Il s'agit d'un espace ludique habité par un éventail de synonymes, par des écarts de registres, par une farandole d'homonymes. Que fait l'écrivain par rapport à ça? Un travail d'illusionniste. Il joue avec cet arbitraire, avec cette attribution hasardeuse d'un mot à une chose pour s'efforcer de lui donner du sens et ainsi la justifier. L'écrivain fait comme si l'association d'un mot à une chose découlait d'une nécessité imitative et expressive, comme si le mot était une peinture fidèle et sonore de la chose. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Vous connaissez ce célèbre vers de Racine issu d'Andromaque. Il n'y a aucune raison pour que le signifiant serpent colle au référent, au concept de serpent, pas plus que snake en anglais. Et pourtant, à travers le jeu des allitérations, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Donc, à travers le jeu des allitérations, Racine justifie les sonorités du mot qui imite le son du serpent et colle à la chose serpent. Et à travers son inclusion dans un alexandrin, Racine justifie la taille du mot. Tout d'un coup, le mot serpent est nécessaire pour définir la chose serpent. Et alors, me direz-vous, et alors le serpent tout d'un coup prend un autre sens, une nouvelle réalité. le serpent existe un peu plus. L'artiste, en créant un monde dans lequel le signe est fondé sur une nécessité, éclaire le nôtre d'une lumière toute neuve. C'est ce que Proust appelle le rayon spécial. Le rayon spécial, c'est ce regard de l'artiste qui s'empare des mots ou des couleurs, des paysages immotivés et qui leur donne un sens nouveau, différent dans son œuvre, mais par là, le monde s'éclaire. Si l'artiste refait le monde, c'est parce qu'il révèle le sens du monde en donnant aux choses, aux couleurs, aux sonorités, une raison d'être. Je sors un peu de l'univers purement littéraire pour vous montrer à quel point cette remotivation de l'arbitraire du signe est la manière dont l'artiste s'empare et refait le monde. Deux images m'ont marqué très différemment. La première est celle du générique de Cris et chuchotements de Bergman. Il y a, dans ce générique, un plan en rouge sang et de vieilles horloges qui apparaissent sur le plan en rouge sang. À travers ce rapprochement, Bergman nous montre la violence de la discipline bourgeoise qui étouffe les passions et les sentiments. Le rouge et les horloges forment un couple aussi antithétique que le couple Cris et chuchotements qui compose le titre. Deuxième image, Femme au bord de la crise nerve, un univers totalement différent. Donc Femme au bord de la crise nerve d'Almodovar. Ce moment génial où l'héroïne, moulée dans sa robe rouge éclatant, pose ses mains aux ongles rouges sur les tomates rouges pour faire un gazpacho rouge. D'ailleurs, je suis en rouge. Passion joyeuse de la movida espagnole d'Almodovar. Deux images pour exprimer un même référent, la couleur rouge. Et chacune de ces images est chargée d'une motivation différente. Pourtant, à chaque fois, nous percevons la couleur rouge plus intensément que si je regarde directement et bêtement un gazpacho ou si je veux exprimer la violence sociale. Ainsi, ce qui fait que l'art refait le monde, c'est que l'artiste propose, à travers son œuvre, de motiver les signes pour nous faire découvrir le sens caché du monde. C'est pour ça que nous aimons lire, aller au cinéma, au théâtre, parce que chaque représentation artistique est une recréation et récréation du monde. Ce temps magique de l'œuvre, temps où tout prend un sens, nous permet de découvrir le sens profond du monde. Mais Proust le dit mieux que moi, et je finirai sur Proust. La vraie vie, la vie enfin, découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. Cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes, aussi bien que chez l'artiste. Mais il ne la voit pas, parce qu'il ne cherche pas à l'éclaircir. Par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ce qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini. Et bien des siècles après qu'ait éteint le foyer dont il émanait, qui s'appelle la Rembrandt ou Vermeer, nous envoient encore leur rayon spécial. Merci beaucoup. Merci beaucoup Raphaël pour nous avoir rappelé que l'art joue aussi avec le monde, joue à refaire des mondes possibles et joue à inventer des mondes en jouant sur le signe, en nous montrant toute la richesse, l'épaisseur des mots ou l'épaisseur des couleurs et nous fait vivre finalement plus intensément. On va poursuivre notre parcours dans l'abécédaire. Alors ce sera D comme danse. Et je vais laisser la parole à Christian Hubble qui a mis son intervention sous l'auspice d'une citation de Pina Bausch qui dansait sinon nous sommes perdus. Donc je laisse la parole à Christian Hubble qui est chorégraphe et danseur. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi normalement je danse, je ne parle pas, ou je peux parler de temps en temps sur scène, mais c'est dans une autre... Je vais aborder ça un peu différemment que mes collègues. Donc j'ai choisi cette citation, je ne sais pas si vous connaissez Pina Bausch, elle est décédée en 2009, à peu près une dizaine d'années. C'était quelqu'un de très très important pour la communauté chorégraphique, mais aussi pour la communauté humaine, parce qu'elle milite aussi pour un art qui transmet certaines valeurs humaines. Et donc elle disait cette citation, « Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus ». Donc j'avais envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire danser pour vous ? Eh oui. Ça vous fait quelque chose de danser? Vous dansez encore? Quel est le sens de la danse? Quel pourrait être le sens de la vie? Quel pourrait être le sens du mouvement? On danse tous les jours. Là, vous êtes assis, vous faites des postures, des gestes, c'est déjà la danse pour moi ou pour chaque artiste. Parce qu'on est toujours habité par quelque chose, intérieur ou extérieur. Donc, il y a toujours une posture qui constamment cherche son équilibre, sa posture, son axe, sa façon de regarder, sa façon de percevoir, sa façon d'être présent au monde. Et cette danse-là, elle est tant qu'on est vivant. Donc, on interroge forcément, pour moi, l'existence que l'art... ou cette puissance que l'art porte en elle, qui nous réunit en fait autour d'une œuvre d'art. Et tout est toujours en mouvement, on peut changer de point de vue, on peut penser à autre chose, on a plein de liberté en regardant l'œuvre d'art. Cette liberté, on la trouve aussi dans notre façon de bouger, si on prend conscience ou si on prend conscience de la posture qu'on prend à l'intérieur de la société. Donc c'est pour moi aussi ça la danse. La danse, la société danse tous les jours. Dans la rue, partout où vous allez, il y a de la danse. En tout cas, le mouvement. Donc je suis parti de cette idée-là parce qu'il y a quelque chose qui, avec Pina Bausch, qui est proche du monde de l'expressionnisme. Et donc cet expressionnisme, on le porte tous les jours en incarnant différentes émotions. La souffrance, la joie, la tristesse, l'incapacité d'agir, la culpabilité, je sais pas, plein de choses qui nous traversent tous les jours avec des thématiques auxquelles on est confronté, qu'on peut écouter dans la radio, à la télé, avec des amis autour d'un café, etc. Et des fois, c'est peut-être intéressant de juste simplement se confronter encore à l'art vivant. Parce que l'art vivant a cette capacité de créer le lien direct, de créer à la fois l'émerveillement, la surprise, mais aussi l'ennui, qui est très important. Oui. C'est pas que on doit être diverti à tout moment, pour moi. Il y a aussi quelque chose dont peut-être on est perdu à l'intérieur de ça, comme elle dit, dans ces nous sommes perdus. On est perdu avec les pensées, on est perdu avec ce qu'on voit, ce qu'on reçoit. Et dont où je veux venir, c'est peut-être la sensibilité que les œuvres peuvent éveiller en nous, parce que pour moi, en fait, aujourd'hui, ce que je privilégie, c'est que nous avons besoin d'un art qui fait la réconciliation, voilà, pas un art qui est dans la confrontation. Certes, c'est nécessaire de protester ou de faire un art qui revendique certaines choses, mais on a besoin de se réconcilier autour d'une idée, comme on est dans certaines crises aussi écologiques et tout ça. Donc cette sensibilité, pour moi, l'art a cette nécessité d'éveiller cette sensibilité en nous. Et peut-être une thématique choisie, comme là dans mon spectacle « Langue de feu, lame de fond », c'est le feu. Et l'eau, bon, c'est des éléments, on les connaît. Hein. Après, on peut les relier à des actualités, le feu pour le printemps arabe, l'eau pour les personnes qui décident de traverser la Méditerranée, mais pas dans le but de faire un joli tour, hein, mais ils ont cette nécessité de traverser quelque chose pour entamer autre chose. Donc, si on voit une œuvre qui essaye de traiter des choses d'actualité, contemporain, on fait appel à votre sensibilité. Pour que demain, quand on croise quelqu'un, on se regarde dans les yeux, et peut-être on va lui dire bonjour, ou pas. Et ce n'est pas une question d'où il vient, de quelle éducation il porte, parce qu'on a tous des mêmes valeurs humaines. Et donc je reviens à nouveau à Pina Bausch, qui défend beaucoup cette humanité dans la danse, qui peut à la fois être abstrait, expressionniste, plus conceptuel, mais il y a toujours quelque chose d'humain à l'intérieur, soit plus humain, moins humain, déshumanisé, présent, étrange pour l'un, plus proche ou je sais pas, plus familier pour l'autre. Mais le corps, on a tous un corps, et pourtant le corps c'est le plus énigmatique, voilà, parce qu'on pratique beaucoup avec la parole, on prend plus de temps d'observer le corps de l'autre, en tout cas pour moi, je considère l'art vivant, si ce n'est la musique, la danse, l'opéra, le clown, tout ce qui implique le corps. Il y a aussi le visuel qui raconte quelque chose. Il n'y a pas que le sens. Évidemment, on cherche un sens. Mais après, il y a aussi qu'un seul sens, il y a plusieurs sens, toujours. Quelqu'un va dire quelque chose, quelqu'un d'autre va comprendre autre chose que la personne à côté voulait dire. Donc, il y a toujours plusieurs, qu'on peut revenir sur les possibles avec le P. Dans la danse, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Plusieurs lectures, je dirais. Qu'est-ce que j'ai noté encore sur ma petite feuille que je pourrais partager avec vous aujourd'hui? Donc, en fait, ce que je peux revenir, c'est l'art ne peut pas forcément dénoncer, mais faire advenir ou éveiller les sensibilités et les relations effectives au vivant. Pour moi, ça me paraît la notion essentielle de la danse, s'il a un rôle dans notre société à jouer. Pourtant, la danse a toujours été présente dans les rituels, dans plusieurs... ça a toujours existé, la danse, elle est toujours présente, avant qu'elle ait devenu peut-être une représentation de notre société. C'est plus profond que ça. Avant, on dansait pour faire venir la pluie ou autre chose, des choses très simples, terre à terre. Aujourd'hui, on essaie de les mettre dans des concepts, les lier à nos systèmes, nos discours politiques, le faire le lien avec la société. Mais le corps, de toute façon, fait société. Parce que sans le corps, on sera rien. Vous serez même pas là. Et donc après, si l'art peut-il refaire le monde, j'avais envie de parler de Dostoïevski qui dit « la beauté sauvera le monde ». Alors la beauté, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la beauté a déjà sauvé quelque chose? On ne sait pas. Donc je ne peux pas non plus répondre. Est-ce que c'est que des mots? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est un moment de grâce? Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait voyager, qui nous fait sortir de notre présence et de l'existence dans laquelle on est finalement toujours enraciné. Là, on est assis sur nos ischions, hein, c'est très concret. Hein. Tout le monde est assis sur ces deux ischions et on divague avec notre colonne en avant, on cherche le mouvement, l'équilibre, la présence, comment on se positionne, toujours. Et ça participe tout le temps dans la vie. Et donc, des fois, on a des postures plus beaux, des fois, on a des postures plus étranges, tordues, peut-être plus retirées ou déformées. Donc, l'art déforme, il interroge aussi dans ce sens-là. Et j'ai l'impression que l'œuvre d'art, il a cette vérité qu'à travers le regard, si on reconnaît l'œuvre d'art, elle porte une certaine conviction. Une parole, un discours, un programme social, un système philosophique, c'est bien écrit, c'est bien construit, c'est des concepts, mais l'œuvre et l'art, ça se révèle devant nous, je trouve, et il y a donc cette conviction qui apparaît. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi la vérité profonde qu'on peut ressentir à travers une œuvre d'art. Et ça peut être... plus auditif, ça peut être visuel, ça fait appel à nos cinq sens et à quelque chose de plus personnel. Et donc pour moi, cette beauté sauvera le monde, si je peux finir, c'est une force vivante. Voilà. Et j'espère que vous danserez demain. Merci Christian. Merci de nous avoir rappelé qu'il y a aussi évidemment une dimension très corporelle dans certains arts, la danse évidemment, mais aussi peut-être la musique, le théâtre. Nous rappeler que l'art prend sa source dans la vie, et finalement, et dans les formes de vie qui se cristallisent. Et l'art est expression de quelque chose, expression d'un mode d'être, d'un être au monde, d'un rapport au monde. Et c'est ce que nous rappelle aussi, je crois, vraiment la danse, hein, qui est un langage corporel et qui est une forme d'être au monde, une manière d'habiter le monde aussi peut-être qui permet justement d'en révéler toute la délicatesse, la complexité. Donc merci beaucoup pour cet éclairage à partir de votre pratique et de votre art. Alors il nous reste une dernière lettre pour cet abécédaire et ce sera U comme utopie paysagère et je laisse la parole à Justine Malibar. Merci. Donc j'ai choisi la lettre U évidemment pour Uriage mais aussi pour Utopie. On parle en général plutôt d'utopie sociale. Je pense en particulier à Utopia de Thomas More ou à l'Abbaye de Thélème de Rabelais. Mais moi, je voulais vous parler plutôt d'utopie paysagère aujourd'hui. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une utopie ? L'utopie désigne un non-lieu, un lieu qui n'existe pas, un lieu qui est idéal, mais un lieu dont l'idéalité est rendue désirable par les défauts du réel. Donc finalement, le concept d'utopie pose la question du lien, de la tension entre le réel et l'idéal. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du concept d'utopie. Cette tension donc entre le réel et l'idéal, avec la question d'un passage éventuel de l'idéal au réel. Alors, le terme d'utopie, on peut l'entendre en deux sens, dans un sens négatif et dans un sens positif, selon la fonction qu'on va accorder justement à l'utopie. Alors, le sens négatif, c'est quand on dit « Ah oui, non, mais ça, c'est une idée qui est complètement utopique, bon, c'est pas... voilà ». Ce sens négatif, c'est l'idée de dire que l'utopie, c'est un idéal irréalisable, une sorte de rêverie chimérique, un simple délassement pour l'esprit, quelque chose qui aurait une fonction purement oiseuse, finalement, et qui, finalement, renverrait à une perte de temps. Ce serait, finalement, simplement une consolation par rapport aux défauts du réel. Après, l'utopie a aussi un sens positif en désignant un idéal réalisable, un idéal qu'il est non seulement souhaitable, mais aussi possible et surtout vital de réaliser. En ce sens-là, l'utopie, c'est ce qui va répondre à un besoin et qui va y répondre en proposant des solutions concrètes. Donc en ce sens-là, l'utopie, c'est pas juste une consolation, c'est vraiment plutôt une forme de guérison ou un remède possible par rapport à un problème. On peut faire la même analyse du mot symétrique, qui est le mot de dystopie. Et à ce sujet d'ailleurs, entre la dystopie et l'utopie, on peut se demander ce qui est le plus efficace finalement en temps de crise ou en temps de crainte. Ce qui est le plus efficace entre alimenter la peur avec des dystopies ou au contraire donner de l'espoir avec des utopies. Et peut-être qu'on a besoin un peu des deux finalement. C'est ce que je vais voir dans la suite de mon intervention. Ah, mais j'ai oublié de mettre mon chronomètre. Donc, donc ça, c'est l'utopie en général. Maintenant, moi, je voulais vous parler d'utopie paysagère en particulier, en se demandant donc, en fonction de ces deux sens de l'utopie, l'utopie simplement consolatrice et l'utopie constructive, on va dire, si le paysage, ça va être le paysage d'utopie, le paysage utopique, c'est juste une rêverie qui nous présente un paysage merveilleux auquel nous n'aurons jamais droit, ou si, au contraire, les paysages d'utopie, on peut les considérer comme des idéaux pouvant guider concrètement et efficacement la conception de nouveaux paysages ou la modification de paysages existants en répondant aux menaces variées qui pèsent sur nos paysages. Alors, les utopies paysagères, elles vont passer le plus souvent par des formes de représentation visuelle, plutôt que par des formes narratives comme les utopies sociales qui sont plus courantes, on va dire. Et donc, ces représentations visuelles, elles vont nous permettre d'explorer le lien ou la tension entre le réel, le paysage réel, et la représentation de paysage, avec toujours cette question qui est, à mon avis, vitale, du passage de la représentation à la réalité. Alors, il y a un paysage qui est célèbre dans l'histoire de l'art et qui a posé en son temps cette question de la tension utopique entre le réel et l'idéal, et qui continue, c'est pour ça qu'il est intéressant de poser cette question aujourd'hui de manière toujours très actuelle, si on pense notamment aux publications récentes à son sujet. Il s'agit de la fresque du bon gouvernement de Ambrogio Lorenzetti, que vous allez voir apparaître très bientôt. Alors, plus précisément, cette fresque, elle a un titre qui est assez long, l'allégorie et les effets du bon et du mauvais gouvernement sur la ville et sur la campagne. Elle a été réalisée en 1338-1340 par Ambrogio Lorenzetti, peintre siennois, donc au Palazzo Pubblico de Sienne, dans la salle de la paix. C'était une commande du gouvernement en place à l'époque dans la République siennoise, qui était le gouvernement des Neufs, qui était un gouvernement sinon démocratique, du moins ardemment attaché à la notion de bien commun. Et c'est une commande qui avait été passée en raison d'un sentiment de fragilité, de menace, afin de rendre public et accessible à tous un message politique complexe sur la question du gouvernement et du bien commun. Alors, pour le décrire un peu rapidement, la fresque, bon, elle est construite selon un dispositif scénographique qui est particulier et qui est très intéressant philosophiquement, notamment concernant la question des liens entre l'idéal et le réel. On a une salle rectangulaire de 7 mètres sur 14 dans la salle de la paix du Palazzo Pubblico, avec sur le mur nord, on a l'allégorie du bon gouvernement, donc que vous voyez affichée là. Donc ça, c'est le mur nord. Sur le mur est, voilà, la salle, juste un aperçu de la salle, elle se présente comme ça. Là, on voit que deux murs, on voit le mur nord et le mur est. Donc ça, c'est le mur nord avec l'allégorie. Qu'est-ce que c'est qu'un bon gouvernement ? J'aurais évidemment pas le temps de rentrer dans le détail de l'analyse des allégories, etc. Mur est, on a les effets du bon gouvernement sur la ville et sur la campagne, donc la partie utopique. Avec ça, c'est les effets sur la ville, et c'est prolongé sur la droite par les effets sur la campagne. On voit avec le mur que vous voyez là sur la gauche, c'est le mur qui fait la transition entre la ville, on revoit le mur, et la campagne. Il faut bien voir que ça fait un seul et même pan de mur. Là, c'est séparé pour les besoins de la reproduction, on va dire. Et sur le mur qui fait face au mur est, donc le mur ouest, vous avez l'allégorie. Donc là, on la voit sur la droite. L'allégorie du mauvais gouvernement, avec une figure comme ça de chef d'État avec des cornes. Bon, je rentre pas dans le détail. Et sur la gauche, vous avez la partie des effets du mauvais gouvernement sur la ville. Ça, c'est ce qu'on distingue sur la gauche. Et encore plus à gauche, ben, j'ai pas trouvé des reproductions géniales, mais on a la partie des effets du mauvais gouvernement sur la campagne. Et enfin, on a le quatrième mur, un peu entre guillemets le quatrième mur comme au théâtre, qui est le mur sud et qui est occupé par des baies vitrées qui donnent sur le paysage réel de la campagne siennoise. Paysage qui, bien sûr, a évolué dans le temps et qui a beaucoup changé vraisemblablement entre le XIVe siècle et nos jours. Alors, on a des enseignements... Ah ben, je suis déjà au bout. Je peux avoir 2 minutes ? 2 minutes. Ok, merci. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce paysage, c'est qu'il permet une circulation entre la partie utopique et la partie dystopique, et surtout entre, donc la partie dystopique, c'est le mur ouest, et surtout entre la représentation d'un idéal ou d'un contre-idéal d'un côté et la réalité de l'autre. En fait, on est invité, il n'y a pas d'étanchéité entre les deux, il n'y a pas de vision manichéenne entre le mauvais gouvernement et le bon gouvernement, mais on est vraiment invité à circuler entre le réel et l'idéal, entre le réel et le contre-idéal, et à faire des choix politiques, finalement, sur comment on va organiser notre vie en société et quelles mesures on va prendre concernant notre territoire, aussi bien notre territoire urbain que notre territoire rural, de manière à bien vivre, finalement. Donc l'idée, c'est vraiment d'inciter le spectateur esthétiquement à un passage constant du réel à l'idéal ou du réel au contre-idéal. J'aurais aimé développer davantage, mais voilà, c'est un petit peu court. Je vous remercie. Merci Justine. En tout cas, ça nous a permis de voir qu'effectivement, entre l'idéal et le réel, mais que notre vision même du paysage réel est toujours modelée par une forme d'idéal. Et ça me rappelle la formule d'Oscar Wilde, ce n'est pas l'art qui imite la nature, mais la nature qui imite l'art. Et donc, ça, l'art nous permet de voir aussi la nature, le vrai paysage, autrement et de le modeler. Merci à tous.